livré les vaillants, je les compte sur les doigts. J'ai pas voulu te blesser, j'ai tout pris sur moi. J'aimerais voir les gens partir au moins pour une fois. Combien m'ont trahi, me disaient je meurs. Dis pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi, j'ai pas peur qui que ce soit. T'as chanté maintenant faut assumer. Tu paranoïes tout ce que t'as fumé. J'arrive pas à partir parce que c'est lacuné. Ils ont obligé tout le monde à se vacciner. Gendarmerie nationale. Sur moi j'ai pas d'arsenal. J'ai surveillé d'arsenal. Nique les menteurs, nique les suceurs et les bandeurs de gros moteurs. Nique les menteurs. Je les compte sur les doigts. J'ai pas voulu te blesser, j'ai tout pris sur moi. J'aimerais voir les gens partir au moins pour une fois. Combien m'ont trahi, me disaient je meurs pour toi.